Voici un 25 minutes environ de larges extraits de la comédie de Molière, Les femmes savantes, jouée pour la première fois en 1672.